depuis un certain temps, depuis toujours, je vote pas mal, toujours pour le moins. Ce que je suis en train de te suggérer, là, c'est que le moins, si tu prends la CAQ, les libéraux puis le PQ, il n'y en a pas de moins pire. Ils sont tous aussi pires un que l'autre. On vote c'est pour la, qui, c'est la même patente. La CAQ est moins pire un peu. Québec solidaire. La CAQ est moins pire en apparence. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, elle s'est faite une permanente, là, puis, Non, je comprends que c'est la même germaine. Je comprends qu'on sortira pas de l'abîme, là, tu sais, puis je comprends que c'est pas Superman qui sort des nuages, puis regarde, venez-vous-en, suivez-moi, on s'en va par là. C'est pas moins pire, ça peut même être pire sur le plan de l'interventionnisme. Utiliser de l'argent. Gambler avec les pensions publiques. Ah oui. En prenant l'argent de la caisse de pour intervenir, entre autres, acheter des parts dans des compagnies minières hautement spéculatives. Oui. Je m'excuse, mais ce que la CAQ propose, c'est pire que ce que le PQ fait en ce moment. C'est dangereux. Il n'y a rien de ce que le PQ fait en ce moment qui est aussi dommageable potentiellement que ce que la CAQ propose de faire avec la Caisse de dépôt. Mm. Parce que la question des pensions, là, c'est quasiment aussi gros que la question de la dette en pension. Ça va être la prochaine bataille. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Votez. D'abord, je vais vous donner un rule of thumb. Votez. Pour qui voter? Si vous êtes pour voter pour le moins pire, restez donc chez vous, gaspillez donc pas votre temps puis votre énergie. Vous avez plus de chances de faire un accident. Ce que j'ai déjà fait aussi. Oh, oui. Mais là, il y a un petit parti qui a été mis sur pied, qui est crédible parce qu'il y a un chef crédible que plusieurs gens connaissent, qui est un vrai gars, qui était à l'ADQ avant, mais qui a pas suivi à la CAQ parce que c'est un vrai gars de droite, qui s'appelle Adrien Pouliot. Si vous êtes sérieux, là, on vous demande pas de donner de l'argent, on vous demande pas de vous présenter puis de militer puis de mettre des heures. Quand on vous appelle, la seule chose que vous avez à faire, quand on vous appelle pour un sondage, on vous demande pour qui vous votez, vous êtes conservateur du Québec, avec Adrien Pouliot, puis si vous avez à aller voter, vous faites une petite coche au lieu de la faire au deuxième nom, vous la faites au quatrième nom. C'est tout ce que vous avez à faire. Pendant que des gens, dont je ne fais pas partie, mettent de l'argent, mettent du temps, mettent de l'énergie dans une cause qui apparaît désespérée, on est bien d'accord, avec un chef super crédible à la tête, pendant que des gens donc passent leur fin de semaine à faire des congrès puis des soirées... Vous, tout ce que vous avez à faire dans un an, c'est de faire une petite coche au quatrième nom au lieu de le faire au deuxième nom. Mais j'ai l'impression, JC, que les gens qui se disent de droite prennent un vilain plaisir à se plaindre. Je pense qu'inconsciemment, il y a un genre de désir de rester englué dans ce modèle-là pour pouvoir cracher dessus puis chialer contre. Dans le fond, ils sont internellement insatisfaits. Et satisfaits de leur insatisfaction, finalement. Okay. Tu sais, je pense que. Je reviens au PQ. Je pense qu'on prend une jouissive délectation à se plaindre. Non, mais attention, PQ. Là, moi, je veux dire, c'est pas moi qui invente les frasques, là, tu sais, je veux dire, on les constate, on rigole, là, tu sais, on n'a pas le choix. Mais t'aimes ça, chialer. Faut aussi. Mais ma job, puis la job à Morin, la job à Duhem, la job à tout le monde, c'est de critiquer. Mais, donc même quand ça ira bien, il y aura des choses qui iront pas bien. Avoue que c'est des passes sapelettes sans arrêt pour un gars comme toi, puis comme Laurent, puis comme Dominique. Mais en même temps. Tu vas t'ennuyer du PQ. Toi aussi, tu sais, je veux dire, tu fais des chroniques, tu parles pas souvent du PQ. Mais dans le monde, il y a beaucoup de passes sapelettes. Qui se font, de beaucoup de niaiseries qui arrivent, puis c'est notre job les dénoncer. Moi, si le PQ recule pas toutes les trois minutes, je peux pas en parler, ça arrive pas, tu comprends? Mais toi, JC, je te connais un peu. Ouais. Puis je sais que t'as une vie satisfaisante, puis je sais que derrière ta critique, il y a une partie constructive, puis t'aimerais ça passer à l'étape de réforme positive, puis d'amélioration. Mais je me demande à quel point dans les gens qui se réclament, par exemple dans les réseaux sociaux de centre-droit, jusqu'à quel point il y en a pas un assez bon contingent, eux, pour qui sont un peu frustrés finalement de leur vie, puis la politique, ça sert à se défouler un peu. Puis dans ce contexte-là, d'avoir un PQ au pouvoir, c'est hyper jouissif, parce que là, ils peuvent s'en donner à cœur joie, on saute à pieds joints, puis dénoncer, puis faire des coups de gueule, etc. Et à ce sens-là, ces gens-là, ce qui serait le premier contingent, le premier 3-4% de l'électorat qu'on voudrait voir arriver aux conservateurs, ces gens-là, par un mécanisme inconscient, vont se trouver des raisons de pas y aller. Ils vont dire des affaires du genre, Adrien Pouliot, il est super bon, mais j'aurais aimé ça qu'il se présente à la place chez les libéraux. Ouais. Ben, il a essayé en passant l'automne dernier, puis il y a pas de place. Les libéraux veulent rien savoir d'un gars qui a des idées solides. Il préfère un Pierre Moreau. Il est too much, là. Il est trop de droite. Un Pierre Moreau face à Pauline Marois, ça ferait bien, tu sais. Ouais. Fait que, ensuite, ils vont dire, OK, mais... Parti conservateur, OK, Adrien Pouliot, je l'aime bien, mais j'aime pas le nom des conservateurs. Ça évoque trop les conservateurs de Harper. Je trouve que c'est brûlé au Québec, ma garde, là. Mais ça peut pas être une raison pour ne pas voter pour. Mais je pense que inconsciemment ou peut-être semi-consciemment dans la population québécoise, c'est quelque chose qui a une connotation semi-négative. Je sais pas si tu me suis, là, tu sais. Moi, je pense pas que c'est une bonne raison de me dire, oh, moi, je vote pas pour eux autres, ben, j'aime pas le nom. T'sais, ça, c'est complètement débile. Mais je pense qu'inconsciemment, le non-conservateur est plus ou moins vendeur au Québec. Ça, je comprends qu'avec un gros pourcentage. Moi, je considère qu'il y a au moins 50% de la population qui vote les yeux fermés puis les oreilles à moitié bouchées. Et qui voteront jamais pour un parti qui s'appelle conservateur. Mais il y a au Québec 5 à 10% de gens suffisamment allumés, suffisamment critiques du modèle québécois, suffisamment orientés vers les solutions de marché pour, dans un premier temps, donner une assise à un parti politique qui est destiné à prendre la place de l'ADQ. En ce sens-là, la pire erreur qu'on peut commettre quand on est de centre-droit, c'est de penser que la CAQ, c'est l'alternative qui a remplacé l'ADQ. Mais ça, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est déjà fait. La CAQ a remplacé l'ADQ. D'ailleurs, ils ont presque remplacé... les dernières élections, ils ont été minoritaires, ça ressemblait à ça. C'est ça. Je te dirais, dans le jeu politique, ils ont remplacé l'ADQ. Mais sur le plan d'être un parti de centre-droit, c'est une ADQ qui n'a plus d'aile droite. L'ADQ avait une aile gauche puis une aile droite. Là, on se ramasse avec juste l'aile gauche, l'ADQ, puis une gang de péquistes déçus. Ça, c'est la CAQ. Ouais. Et ça s'est fait, ça s'est pas fait au nom de raisons idéologiques. La fusion, ça s'est fait à l'été de mémoire 2010, où l'on s'est promené avec un sondage, puis on a dit aux gens de l'ADQ, regardez, en se fusionnant avec la CAQ, on aurait 100 députés à la prochaine élection. Ils ont acheté ça. Et ouais. Ironie de l'histoire, douce justice poétique, dans le dernier sondage, ils sont en train de retomber là où ils étaient quand ils étaient juste l'ADQ, autour de 18%, là, ils sont rendus à 20%. La plus belle chose qui pourrait arriver pour un gars de centre-droit comme moi au Québec, c'est que la CAQ disparaisse. C'est la plus belle chose qui pourrait arriver. Puis je dirais que tant que ça arrivera pas, le chemin est bloqué. Puis en tout cas, puis ça me déçoit de voir des commentateurs politiques qui se disent de centre-droit, qui dirigent le monde vers la CAQ en disant « mais c'est la moins pire ». Non, regarde froidement. Oublie le discours qu'ils tiennent quand ils viennent te parler, sachant qu'il y a beaucoup de gens de droite qui t'écoutent puis qui vont ils vont colorer leur discours avec des éléments de droite. Là, oublie ça. Regarde leur programme. Regarde leur proposition. Regarde le fait, par exemple, qu'en santé, ils avaient fait miroiter la mixité dans la dernière année. Puis quand ils sont arrivés à l'élection, ça a pris le bar, ça a pris 2 minutes. Ouais. Le monsieur Barrette a dit, on touchera pas à ça. Puis le chèque de 100$ aux parents plutôt que qui utilisent pas les CPE, CPE ouais. ça a pris le banc. Donc, qui étaient des mesures centre-droit, là, tu sais, ouais, mitoyennes. Ouais. Ben, c'est centraux. C'est ça. La CAQ, là. Non, c'est à gauche. Centraux-gauche. Je te dirais, ce qu'il y avait de centraux, c'était déjà trop à droite pour eux autres. C'est carrément et clairement des étatistes. Sont clairement l'essentiel, c'est le modèle québécois. En fait, ils veulent sauver le modèle québécois. Ils veulent pas le réformer, ils veulent le sauver. Avec des solutions tout croche en passant. Si on pourrait les reprendre, là. Mais, par exemple, en éducation, ils veulent, la solution, augmenter le salaire des enseignants. C'est pas ça le problème en éducation. Le problème, c'est la formation des maîtres. Le problème, c'est le programme du ministère. C'est la tutelle du ministère. Ça n'a rien à voir. Tu pourrais améliorer la qualité de l'éducation dans le système scolaire. Sans toucher au salaire des profs, ça n'a rien à voir. C'est une fausse solution, mais c'est une solution d'étatiste, c'est une solution de contrôlant, c'est une solution de François Legault. Mais là, je pense que Laurent veut utiliser son droit de parole. Ouais, là, mais attends un peu, Fred. Là, si la CAQ s'effondre là, comme ton souhait si cher, là, de ce que je comprends, ben oui. Est-ce que tu sais, il faudrait quand même qu'il y ait quelques députés de la CAQ qui aillent du côté du Parti conservateur, ça, est-ce que tu l'entrevois? Ah, ils sont tellement... Moi, je les appelle là-bas, la CAQ, je l'appelle la coque. Pour moi, les caquistes, je les appelle les coquins. Ou les coquistes, parce que c'est la coalition opportunisme Québec. Donc, je serais pas étonné si il y avait un parti conservateur du Québec qui levait, qui allait à 5-10% pendant que la CAQ s'écraserait vers 10-12%, il pourrait y avoir des transferts. Parce que moi, ce que j'en comprends, des gens comme Éric Kerr, c'est des gens qui sont à droite parce qu'ils sont à Québec. C'est aussi simple que ça. Tu penses? On surfe sur un courant. J'ai croisé un électeur d'Éric Kerr qui travaille au même lieu que moi, puis j'ai parlé des conservateurs, puis il disait, ah, ben moi, ça va être difficile pour les conservateurs, pour moi, dans mon comté, j'ai Éric Kerr, c'est un gars de droite. Ben oui, c'est un gars de droite parce que toi, t'es à droite, puis il sait que pour avoir ton vote, faut qu'il aille à droite. Ouais. Mais c'est des guides, puis là, je parlerai pas d'Éric Kerr en particulier, pour moi, les gens de l'ADQ qui se sont joints à la CAQ, incluant Gérard Deltel, c'est des guidounes politiques. C'est des gens qui ont pas de colonne vertébrale idéologique. Des mots durs. Saint-Valentin pour certains députés. À la limite, c'est des gens qui voulaient travailler en politique, qui avaient besoin d'une job, puis ils ont trouvé leur lit, puis ça a marché, ils se sont fait réélire. Je dois t'avouer que j'étais déçu de la fusion ADQ-CAQ. Moi, j'ai trouvé qu'il y en a qui ont abandonné vite, mais à un moment donné, ceci étant fait, c'est fait. C'est fait, là. Puis le Parti conservateur aux dernières élections, on s'entend que c'était pas... Non, mais c'était mieux que rien. Puis avant que t'aies... Moi, je suis étonné, en passant, là, que Adrien Pouliot soit sauté dans l'arène. Oui. Puis se présente chef d'un groupuscule comme les conservateurs, ça m'étonne. Normalement, il faut qu'un parti comme ça monte à 3, 4, 5, 6, monte qu'il y a un peu de... Tu n'aurais pas dû former un autre parti, tu penses? Ou... Ben, tu vois, c'est genre de second guessing. Ben, en théorie, je préfère le gérant d'estrade, puis peu importe, ils devraient fusionner avec l'autre groupe. Ça, tu dis, c'est pas important, il est là, on vote pour eux autres. Arrête de regarder dans le menu, là, le nom du plat. C'est le seul menu. Le plat est-il bon ou non? Il est-il appétissant? Puis s'il n'est pas appétissant, ben, mange-le pas. Puis s'il est appétissant, comment qu'il y a un nom bizarre? Je comprends. Non, mais moi, je te parle en essayant toujours de garder à l'idée qu'il faut convaincre. Parce que moi, si tu me dis, ah, je te convainc. Là, moi, je dis, OK, je suis convaincu, je vais voter pour le Parti conservateur. Là, puis je vais regarder le programme comme il faut. Puis, OK, c'est bon, c'est ça que j'aime, je vote pour eux autres. Mais ça reste que ça va devenir un peu le Québec solidaire de la droite. Là. Oui. Oui, puis d'ailleurs, je dirais que Québec solidaire, d'abord, tout comme l'ADQ, dans les années 90, début des années 2000, Québec solidaire a complètement modifié le paysage, l'orientation des partis politiques parce qu'ils ont tiré le PQ à gauche. C'est vrai, t'as raison. Puis là, ça a libéré le centre-gauche, puis les libéraux se sont ancrés solidement à gauche avec la CAQ. Donc, et à l'époque de l'ADQ avec Mario Dumont, ils ont eu de l'influence sur des politiques publiques telles que les clauses orphelines dans les conventions collectives, telles que le statut des travailleurs autonomes, toute la question des accommodements raisonnables, la baisse d'impôts que les libéraux ont donné en 2007. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le petit train va loin. Là. Ben, à un moment donné, il faut que tu te calmes, tu trouves un endroit qui, un parti qui correspond à tes valeurs, puis advienne que pourra. Tu contrôles pas ce que les autres vont faire, mais tu contrôles ce que toi, tu vas faire. Mais quand les gens qui devraient aller là n'y vont pas en se disant, ben là, je vais être tout seul à y aller, il y a personne qui y va, on reste dans le cercle vicieux, le trio infernal du PQ, de la CAQ et des libéraux, puis on n'en sortira pas. Donc, M. Pouliot, là, le chèque devrait être fait à l'ordre de Frédéric Tétu. mais en même temps, Fred, moi c'est juste que Fred, il va falloir qu'il y ait des candidats, parce que tu sais comment ça fonctionne au niveau, lorsque les élections arrivent. Il va falloir qu'il y ait des candidats qui se joignent au Parti conservateur. Il va falloir que les candidats soient élus. Parce que tu sais, d'accord, mais là, c'est la poule et l'œuf. C'est la poule et l'œuf. C'est que si t'attends qu'il y ait un bon candidat avant de donner ton vote aux conservateurs, les conservateurs restent à 0,5%, puis les bons candidats iront pas. Moi, en passant, j'irai pas, j'en fais pas de politique, je prendrai pas ma carte de membre. Je vais peut-être leur faire un chèque de 100$ puis avoir 75$ de retour d'impôt, parce que c'est de même que ça fonctionne. Mais la politique, j'en ai faite, j'en ai eu, j'en veux plus. Mais ce que je sais, par exemple, je connais la situation... Mais là, Fred, attention. Là, tu viens de me faire une espèce de grand exposé en faveur du Parti conservateur. Pourquoi toi, tu te présentes pas? Ça en ferait un bon candidat? Non, parce que, sais-tu quoi? Je veux pas avoir à aller voir du monde qui pense comme moi, puis être obligé d'essayer de les convaincre à voter pour moi, parce qu'eux vont me dire... C'est ce que tu viens de faire, là. Toute la salade, ils vont me sortir toute la salade... qu'on se fait sortir que ouais mais t'as pas de chance, je veux pas gaspiller mon vote, je vais y aller stratégique, je vais voter pour le moins pire. Ah mais la CAQ et Gérard Deltel. Là tu viens de me le faire avec une énergie impressionnante. J'ai fait une fois, je pense que pas 35 jours à faire ça, puis même moi quand je voulais me présenter chez les conservateurs de Harper en 2006, j'ai travaillé un an à préparer ma candidature, finalement je me suis désisté. Mais je sais c'est quoi. Ben oui. Puis c'est un travail de persuasion, puis c'est un travail de terrain. C'est un travail de moine. Puis j'ai eu des sondages quand je travaillais à me présenter conservateur, j'ai vu des sondages à 4-8% au Québec pour les conservateurs, où là les gens disaient ben non mais vous avez pas de chance, vous êtes à 4%, vous avez pas de chance, vous avez 4%. Fait que je te signerai pas un chèque, je militerai pas pour toi. Mais ça veut rien. Je dirais même pas. Je voterai même pas pour toi. J'irai même pas mettre un X, je vais aller le mettre à côté du nom de Hélène Scherrer qui a voulu fermer ta station. Parce que je veux voter contre Roger Clavet qui le bloque. Tu sais, c'est l'affaire de même, là. Fait que là, tu te croisais des... Mais c'est ça, la politique. C'est pour ça que je veux pas en faire. La confusion des gens qui sont pas capables de se dire, moi, je suis de centre-droit. Ah, il y a un parti de centre-droit. J'ai pas besoin de me poser 56 autres questions. Je vote pour le parti de centre-droit. Ah oui. Ils sont juste à 3%. Puis... Ouais, puis même là, même il faut pas se fier au sondage. C'est comme là, pour l'instant, ils sont à 3%, mais on a juste regardé l'exemple du NPD. Il était très bas, puis on s'est réveillé un matin, puis il était parti de l'opposition fédérale. Mais ça, c'est parce qu'il y avait une base. Il y avait un jack aussi. Il y avait un 4, 5, 6% de gens qui étaient là, qui ont tenu le fort. Moi, ce que je parle, c'est de ce 4, 5, 6%-là qui devrait être chez les conservateurs, mais qui va se trouver toutes sortes de bonnes défaites pour pas y aller. Puis c'est ces gens-là, moi je veux pas aller, je me présenterai pas en politique pour convaincre les gens qui devraient déjà être convaincus. Je l'ai déjà fait, je te le dis, il y en est pas question. Mais j'ai de la sympathie pour un Adrien Pouliot qui s'est lancé, puis j'ai de la sympathie pour ceux qui sont tentés de se présenter. Puis moi je me poserai pas de questions à savoir, ah mais lui, dans mon comté... le candidat de tel autre parti, je l'aime bien. Je veux pas que le bloc passe. Je veux pas que le bloc passe. Puis là, OK, le bloc est pas passé, c'est l'NPD qui a passé. C'est-tu mieux? Je pense que poser la question, pour qui, mais non. Ça change strictement rien. Alors, I rest my case. Non, ici, quand même, c'était un... Joyeuse Saint-Valentin à tout le monde. J'ai enflammé de Frédéric. Qui était passionné. Pour moi, t'as eu une bonne Saint-Valentin. Tu sembles ragaillardi. Oui. Mais j'ai un peu de vécu. J'ai aussi fréquenté un peu l'ADQ dans les mauvaises années. Là, les AD... Il y a des gens qui s'ennuient de l'ADQ depuis de Mario Dumont. Ben, ouais. Que, où est-ce que vous étiez quand on cognait à votre porte et qu'on vous disait, pouvez-vous nous appuyer? Ah, pas ce fois-ci, la prochaine fois. Moi, quand je me suis présenté indépendant, pas ce fois-ci, mais la prochaine fois. La prochaine fois, si c'est pas pour moi cette fois-ci, je serai pas là la prochaine fois. Faut simple que ça. Les objets en vol. On sent quasiment de ça fait du bien. De frustration. Non. Non, au contraire. Hey, je t'ai aimé aujourd'hui. Ouais. C'est à Saint-Valentin. C'était bon. J'ai trouvé croquant. Est-ce que t'avais des refoulements? Ouais. C'est quelque chose. Fred, t'es... Oh! Il était en feu, regarde. Il a quitté l'immeuble. Il a claqué à la porte. Il est parti.